Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Alors aujourd'hui au programme, on a un vaste programme hein, Teddy, parce qu'on a décidé un petit peu de faire différemment, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup d'animation. Donc il sera question de, entre autres de Scooby-Doo, c'est la version qui est sortie en 2020. Il y aura aussi Lupin 3, une version qui est sortie récemment aussi. On parlera un peu Nanar avec Cat Size de 1997, alors ça c'est une petite pépite du Nanar on va dire. Alors on vous a décroché une belle petite pépite comme vous les aimez. Et puis on fera un petit hommage à Sean Connery aussi en passant, et puis dans une deuxième partie on parlera de Cobra Kai, cette série qui est bien appréciée, et puis un gros dossier sur Mandalorian avec un petit retour sur le Star Wars Lego l'idée spéciale qui vient de sortir aussi sur Disney+. Alors on va tout de suite commencer avec Scooby-Doo. Tu devrais voir ta tête, on dirait un présentateur télé. Alors Scooby-Doo, tout le monde le connaît ou presque. C'est ce chien fort sympathique mais fort peureux qui est avec son pote Sammy, qui fait partie de l'équipe de Mystère et compagnie, hein, si je me souviens bien. Voilà, ou Mystère et associé en fonction des versions. Ça se peut. Donc composé aussi de Fred, Daphné et de Vera. Et donc c'est la première apparition, date de 1969, donc c'est une production, on va dire, Hanna-Barbera, créée par Joe Ruby, Ken Spears, avec la participation de Iwao Takamoto, donc il y a une partie un peu japonaise. Et c'est une grosse licence, hein, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries et de d'OAV, on va dire. Ouais, et puis c'est quasiment sans discontinuer depuis l'ouverture, on va dire, de la série. Hein. Ouais, 71 quoi, la toute première série qu'on a d'ailleurs vue sur les chaînes dans les années 80, 70, 80, je dirais. Voilà, dans Hanna-Barbera et Salut les Ding-Dong. Ouais, ça se passe parce que Hanna-Barbera, il y a un vaste catalogue de personnages là-dedans. Hein, et puis on va le voir d'ailleurs dans ce nouveau long métrage animé. Ouais, puis ça se voulait les concurrents directs de la Warner, mais on n'est pas à ce niveau-là quand même. Non, c'est sûr que. Mais il y a quand même une bonne réputation par rapport à la Warner avec tous ces Looney Tunes par exemple. Et ça voulait peut-être concurrencer ça, mais bon, je sais pas, il y a eu plusieurs films live. Est-ce que tu les as vus, les films live Donc, Ah non, je les ai pas vus. Les films live de Scooby-Doo avec les vrais acteurs, avec Sarah Michelle Gellar. Ouais, si, ça je les ai vus. On a retenu que Sarah Michelle Gellar, vous l'aurez compris, mais bon, parce que les autres ils sont tous mauvais, mais bon. Bah, puis on a chacun son centre de préférence. Hein. Ouais. C'est bon que Buffy quoi pour rappeler. Ben le premier était bon, je veux dire correct. Par contre le deux c'était une grosse merde quoi. Mais bon. D'accord. Bah, moi j'aurais mis les deux comme grosse merde, mais c'est toi qui vois. Non mais si t'avais les deux, t'as vu les deux ou t'as vu une troisième? Ben, je me souviens surtout de celui avec où Sarah Michelle Gellar, elle devient enfin Daphné du coup. Elle devient un peu la femme forte du groupe. Donc ouais. Déjà, voilà. Et puis après j'ai vu le deux où c'est on va spoiler hein, ça a plus de 20 ans ce machin. Ouais. Où c'est Scrappy-Doo le méchant quoi. Alors que c'est un personnage qui n'a aucun... C'est le premier, ça, non ? Alors, tu vois, comme quoi, je les ai bien retenus. Ben, je veux dire, il y en a. Enfin, voilà, c'est. Il y a déjà 5 films live avec. Donc, déjà, il y a 3 téléfilms. Alors là, le Scooby-Doo en 3D, il est horrible. Faut se rendre compte qu'il n'y a aucun travail sur la texture ou sur le personnage. Là, c'est vraiment du niveau téléfilm, quoi, de base. Puis voilà, quoi. Et puis là, on arrive tranquillement à cette version 2020, réalisée par Tony Cervonet, je connais pas. Produit, justement, par une association entre la Warner, Hanna-Barbera et la Warner, justement. Une collaboration. Ouais, une collaboration étroite, on va dire. est-ce que tu veux un petit peu comme bon l'histoire c'est un peu simple hein, Bah, l'histoire c'est simpliste ouais. Hein, c'est la rencontre entre Sammy et Scooby. C'est tout hein, c'est ça. Ça commence déjà pour la je crois que c'est la première demi-heure donc il y a ce passage un petit peu origins on va dire. Ouais, origins où ouais. Ils se connaissent par la bouffe hein, c'est ouais, tout ouais, voilà ouais, ouais. Et puis il y a voilà, Scooby qui vole un kebab et puis et puis il fait courser et puis voilà il rencontre Sammy puis il mange du kebab au sable ouais, tout va bien puis voilà quoi. Et ensuite il croise les jeunes Fred Daphné et Vera quoi après pour leur première enquête dans une maison hantée quoi ouais, c'est dans ça, une maison hantée exactement ouais, ouais. Enfin hantée où ils découvrent entre guillemets voilà il y a toujours un truc hein, chez Scooby-Doo ah, ouais, il y a jamais vraiment de fantôme hein, alors ouais. Scooby-Doo tout ce qu'on a retenu c'est que si t'es un promoteur c'est toi le coupable ouais c'est ça c'est tous des véreux de toute façon on le sait bien puis ensuite on enchaîne sur une espèce de quête un peu mystique où on retrouve justement un côté un peu crossover. Ah bah c'est le Scooby-Doo Cinematic Universe après. C'est ça. C'est les Avengers Hanna-Barbera. Hanna-Barbera verse plutôt parce que là ouais, ils croisent Blue Falcon qui est un personnage qui est issu de la franchise Dinomet, donc ce chien qui est un peu robotisé quoi. Ouais, puis le méchant aussi c'est Satanas quoi. Ouais, puis t'as forcément Diabolo qui est pas très loin. Ouais, là il est un peu loin quand même. Ouais, là il est dans une autre dimension, il me semble, hein. Il a été enfermé dans une autre dimension. Voilà, ça devient plus mystique, c'est moins enquête hein. Bon, dans l'ensemble, c'est pas désagréable à suivre. J'ai bien aimé, mais quelque part je trouve que l'esprit Scooby-Doo il s'est un peu perdu dans au cours de l'histoire, quoi, tu vois. Alors moi justement, je l'ai vu en tant qu'esprit Scooby-Doo, parce que on connaît Scooby-Doo depuis les séries Hanna-Barbera ou les crossovers avec Batman ou tous les trucs comme ça. Ah oui, Batman, c'est vrai. Ou les Super Friends, hein, ça marche aussi. Et là, moi, avec le background, j'adore ce mot, hein. Avec le background derrière, j'ai su m'adapter à l'histoire, on va dire. C'est-à-dire que je savais qui c'était, mais moi je suis allé le voir avec mes enfants. Et moi j'aime pas me faire déranger tous les 5 minutes par un enfant qui dit c'est qui lui, c'est qui lui, et c'est qui lui. C'était pas tes enfants à toi, c'était c'était les miens, si. Ah, c'était ici. Ils connaissaient pas du tout la mythologie. Ah, si, ils connaissaient Scooby-Doo. Ouais. Mais Satanas et Diabolo, on connaît pas. Captain Caverne, connaît pas. C'est vrai, il y a Captain Caverne, j'ai oublié. Ouais, et puis Blue Falcon, connaît pas. Blue Falcon, je t'avoue que c'est la première fois que je le voyais, quoi. Moi, je l'avais déjà vu un petit peu avant, mais c'était plus des parodies de super-héros humoristiques. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Eux, à chaque fois, ils me demandaient c'était qui, c'est qui, c'est qui. Et du coup, moi, ça m'a sorti de l'histoire, quoi. Donc, pas une séance qui était fort agréable pour toi. Ouais, puis en plus, avec un match sur la gueule, c'est plus compliqué. Bah celui-là il était sorti au premier confinement le 8 juillet à peu près le 8 juillet. Après le premier confinement, voilà, c'est ce que j'avais noté comme date de sortie. Voilà, comme moi je le recommande quand même parce que c'est sympa. Pour ceux qui aiment bien le personnage, ça rend bien, je veux dire, il y a pas vraiment de démarquage par rapport au personnage. Ce que je trouve c'est beaucoup de scènes d'action qui cadrent pas vraiment avec le personnage, tu vois, à la fin avec cette histoire de, on va un peu spoiler quand même. On va être obligé de spoiler sinon on pourra pas avancer. Cette espèce de Cerbère qui sort de la mythologie, quoi. Voilà, c'est un peu fantomatique. Ouais. Tout de suite, on a cet esprit un peu fantastique de science-fiction. On sent qu'on est un peu dans une mode un petit peu super-héros quand même, hein, là-dedans. Ouais, il y a la patte super-héros. Ouais. Il y a l'esprit un peu Disney qui ressort aussi, l'esprit du crossover du Avengers Endgame, quoi, quelque part. J'arrive pas jusque-là. L'esprit crossover, on voit que c'est un film où ils ont tout collé dedans. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pas communiqué sur le fait qu'ils collaient tous les personnages à Hanna-Barbera dedans. Non, il y a pas tout, hein. Parce qu'il y a un sacré catalogue, tu le sais, comme moi. Ouais, enfin, ils ont sorti les principaux, quoi. Ceux que les plus connus. C'est vraiment les têtes d'affiche, qu'on va dire. Ouais, les têtes d'affiche. Capitaine Caverne, quoi, tu vois, quand même. Voilà, c'est la trinité du Scooby-Doo Cinématique Universe. On n'est pas dans la justice, attention. Mais voilà, quoi. On va pas s'attarder, parce que sinon on se répéterait beaucoup, et on est en train de le faire d'ailleurs, mais bon. Mais bonne animation, un divertissement plutôt agréable. Maintenant, c'est bien à voir une fois, quoi, je dirais. Ouais, puis les gamins, s'ils connaissent Scooby, vous pouvez y aller. Ouais. À part que, ils risquent de vous emmerder un petit peu pour demander c'est qu'il reste des personnes. Bah, c'est vrai que moi, en même temps, ils connaissent pas les Wrecky Racers, les trucs comme ça, les fous du volant, pardon. Aussi. Donc, du coup, là, ils étaient un peu paumés, mais voilà, ils sont quand même plongés dans le film, puis il y a eu quand même des moments où ils ont bien rigolé, quoi. C'est de l'humour. Ça va, c'est pas trop de l'humour cuproute, donc ça va, c'est marrant, ça peut rester bien. Pipi caca, tu veux dire. Ouais, c'est pas trop cuproute, pipi caca. Ouais, ouais. C'est moins fan de service que d'autres trucs. Ça c'est sympathique. Allez, on va passer à un deuxième film d'animation, puis là on va un petit peu rentrer dans le secteur manga, je vais dire. Ça faisait longtemps. Arrêtez-le ! Bande d'idiots ! Il va s'échapper ! Avec Lupin 3, alors une grosse franchise aussi, hein, Lupin, qui a démarré, on va dire, en 67, hein, c'est déjà... Je le voyais pas si pas vieux, mal, tu vois, Lupin the Third. Donc, créé par Monkey Punch, de son vrai nom, Kazuhiko Sano, donc beaucoup d'animations, beaucoup de longs-métrages, des films, un film live aussi, qui, je trouve, était pas trop mal. Ouais, c'est pas vraiment un film live, c'est plus de la... Non, je te parle du film live qui était sorti en 2007. Ah oui, en 2007. Pas de celui de... Le film live 2007, il était plutôt pas mal. Ouais, il était assez réussi, et puis voilà, quoi. Donc, en France, c'était pas Arsène Lupin, il s'appelait pas Arsène Lupin 3, il s'appelait Edgar. Donc c'était Edgar le détective cambrioleur ou Edgar de la cambriole. C'était super dommage de faire ça parce que c'est un manga basé sur un héros français, enfin un héros. Arsène Lupin, je sais pas si on peut le mettre en héros, mais voilà, c'est censé être le petit-fils d'Arsène Lupin, tout simplement. Bah complètement. Et ils le mettent pas en avant dans le manga qui est sorti au Club d'eau, donc c'est dommage. Non, c'est vrai que on a limite, il y avait pas cette association, quoi. Bah et moi, Edgar cambrioleur, je regardais ça quand j'étais petit, je voyais pas le. Je trouvais ça marrant, mais sans plus, donc, quoi. Mais je veux dire, on m'aurait dit que c'était Lupin, Arsène Lupin, le petit-fils, j'aurais mieux accroché. Ça. Ouais, moi, j'ai appris que très récemment, en fait. Hein. Moi, je l'ai appris qu'à partir du moment où c'était le château de Cagliostro, parce que quand je l'ai vu en VO, il était marqué Lupin. Alors, est-ce que tu veux nous en parler du château de Cagliostro? Alors, château donc, de Cagliostro. Sorti en 1979 et réalisé par le grand, on va dire, l'immense Miyazaki. Quoi. Bah, justement, c'est la première fois où j'ai vraiment accroché au personnage de Lupin, parce que je me suis dit, mais Lupin, je dis, c'est quoi Lupin? Je dis Miyazaki, château de Cagliostro, c'était le titre en français du cinéma. Miyazaki, je vais le regarder, et je vois qu'il l'appelle Lupin, et puis je dis, tiens, c'est bien, et puis ils disent que c'est le petit-fils d'Arsène Lupin. Et du coup, là, ça fait plus envie de donner l'enquête, et puis tu comprends pourquoi il est aussi bon, quoi. C'est-à-dire que son grand-père lui a donné un grand héritage de la cambriole, quoi. Voilà, et puis tu vois qu'il aide les gens, quoi. Il est là pour rafler la mise, hein, tout simplement. Et puis, là, j'ai fait un geste un peu audacieux. Non, on parlera de Magali tout à l'heure. Ouais. Et puis, il finit toujours par aider le love interest du film, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, quoi. Puis, c'est le même genre de scénario, ouais, à chaque fois. De toute façon, il y a une espèce de mécanique qui s'amorce avec, bon, on va passer à la version 2020, hein. Je pense parce qu'on que peut là, y aller. 97, parce que là, il y a une fois de plus cette guerre, enfin, Lupin 3, il y a une prise dans une espèce d'intrigue où il y a une jeune fille, finalement, parce qu'elle doit aider son grand-père qui est lui-même au service de néo-nazis, on va dire. Et là, bon, il est accompagné une nouvelle fois de ses compagnons, donc le samouraï qui est Gomeon. Ouais, il y a aussi Isidore, le tireur d'élite. Bah ouais, le tireur d'élite qui arrive à défoncer et un panneau autoroutier avec t'as, de balles. T'as Magali qui est quand même la bimbo, quoi. Dans Oula, faut pas que je sois vulgaire. On va dire le côté sex-appeal du manga. Ouais, mais complètement dans la version 3D, là, c'est encore pire, quoi, je trouve. Ouais. Voilà, quand ils sont à 4, elle fait pas vraiment partie du groupe, hein. Toujours le même scénario, c'est toujours sa concurrente directe. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours, même dans Cagliostro, elle arrive toujours à ses fins avant lui, elle se fait toujours piéger par sa manière trop grosse gourmandise pour l'argent. Donc elle se fait toujours. Pour ses beaux yeux aussi, peut-être, non? Ah non, toujours pour l'argent, parce qu'elle veut toujours blouser. Non, mais je veux dire, Lupin, lui, il se fait avoir pour les beaux yeux de Magali, en fait. Bon, non, mais lui, c'est un peu Larson, hein. Il pense avec sa vie. C'est vrai. On en parlera tout de suite, tout à l'heure d'ailleurs de Larson. Voilà. Donc, Lupin, il se trouve toujours à devoir l'aider, elle. Ouais. Parce qu'elle a pas su gérer l'après-cambriologue, quoi. Et puis, voilà. Après, elle se retrouve toujours embarquée dans des histoires et ils finissent toujours par collaborer. Ouais, c'est ça, en fait. Ça recommence dans le film et puis, un petit peu l'intrigue, hein. Ça fait un peu Indiana Jones, hein, quelque part. À partir d'un journal, ils doivent retrouver, en fait, une espèce de machine qui, qui a une certaine puissance, quoi. Ouais, t'as un journal qui est bloqué, c'est un journal qui est enfermé dans une cage où il faut des clés spéciales. Puis voilà, c'est lui qui sert à débloquer le truc et puis après il se retrouve embarqué pas dans une quête mystique mais dans une quête de technologie avant-gardiste. Disons que pour avancer c'est un petit peu facile, quoi. Je veux dire, quand il rentre le mot de passe, ça lui apparaît d'un coup, il a 20 secondes pour le trouver, ça y est, il le trouve tout de suite, ouais, quoi. Ça lui paraît logique, quoi. Enfin, je veux dire, il y a combien, il y a 5 lettres, ça, là t'as la 5 lettres dans son prénom, ça doit être ça. Bon, t'as spoilé un petit peu là. Mais bon, moi je vais spoiler la mort. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de spoilers? Puis bon, moi j'ai un petit peu, j'ai apprécié dans l'ensemble l'aventure, on va dire. Il y a quelques clins d'œil à Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Par exemple, il y a cette scène où ils sont prisonniers d'un avion, d'un cargo, et justement il y a Magali, je sais plus si elle s'appelle Magali dans ce truc-là, mais elle prend un biplan, je crois que c'est un biplan dans ce. Ouais, elle prend un bimoteur. Et puis elle se casse, ça fait carrément la scène du zeppelin dans Indiana Jones quand Indy et Henry s'évadent, quoi, tu vois. Puis il y a cette scène des trois épreuves, quoi, à la fin, ils arrivent devant le temple, puis ça y est, t'as l'équivalent des trois épreuves d'Indiana Jones, quoi. C'est un peu ça que je trouve que je déplore un peu, c'est un peu ce manque de créativité, d'imagination, quoi. Ouais, puis ça fait un peu, qu'il trouve quand même une ADM, ça fait bizarre, quoi. Enfin, une arme de destruction massive, qui aurait 1000 ans d'âge ou 2000 ans d'âge, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon. Donc il mélange avec, on va dire, Indiana Jones et le néo-évémérisme, quoi, tu vois. Puis en plus, t'as les méchants, c'est les néo-nazis, comme par hasard. C'est les néo-nazis, tu sais, pour bien marquer la... Ah ouais, pour bien marquer Quand on n'avait pas compris que n'importe qui voulait conquérir le monde. Ouais, c'est forcément des nazis. Donc ils font du nazi parce que c'est Indiana Jones, tu vois le truc. Puis voilà, quoi. Puis t'as une dernière scène où j'avais compris, hein, avec l'espèce de vieux Hitler, tu vois. Ah oui, mais on avait compris. J'avais compris la photo. Tout de suite, hein, que c'était pas lui, quoi. Ouais, je suis désolé, on spoil, mais bon, sinon on n'aurait pas très grand chose à raconter sur ce film. Bon, il y a quelques scènes d'action assez trépidantes, hein. Faut dire que l'animation est plutôt réussie dans l'ensemble. Par contre, je me suis pas ennuyé devant ce film. Dans les mangas, entre guillemets, t'as toujours un passage creux, un moment où tu te fais chier à mort. Mais là, il y a du rythme, hein. Dans c'est ce film-là, c'est très rythmé. Il y a très peu de phases de dialogue, hein, dans ce. Bon, c'est convenu, mais rythmé. Oui, c'est ça, c'est que c'est un peu facile, quoi. On avance facilement, facile, c'est scénaristique. Mandalorian. Mais c'est vrai que c'est divertissant. Bon, je vais me répéter, mais c'est. Ça se regarde d'un trait. C'est à voir si on aime bien le personnage, quoi, tu vois. Même sans connaître le personnage, c'est quand même mieux quand on le connaît, parce que sinon, c'est pas tireur d'élite et le samouraï. Le passif, on connaît pas le passif. On connaît pas le background. Ils m'ont regardé avec insistance. c'est quand même mieux d'orienter. Comme on n'a pas la caméra et qu'on se fait des clins d'œil comme ça entre deux, là, j'ai dit, allez, vas-y, envoie la sauce, là. Tu vois. Mais voilà, quoi, pour ce qu'on pouvait dire sur Lupin, quoi, c'est bien sympathique, c'est bien divertissement. Et moi, je le conseille. Même avec des enfants d'une dizaine d'années, je le conseille. Ah oui, alors, est-ce que c'est adapté à des enfants de 10 ans, par exemple? Il y a moins de fesses que d'autres mangas, hein. On en parlera tout à l'heure. Non, c'est adapté. En parlant de fesses, on va parler de 4 size, si tu veux bien. Voilà, justement. Yeah! À la base, de toute façon, Katsai était quand même un manga qui était destiné aux adultes. Hein. De toute façon, le créateur Tsukasa Hojo, qui est aussi le créateur de City Hunter aussi. Ouais, Nicky Larson. Nicky Larson en français. Enfin, City Hunter. Ouais, City Hunter. Lui, il s'est jamais cassé qu'il aimait bien dessiner les belles femmes et tout ça. Donc, on le voit dans ses mangas. Et là, Katsai, c'est ça, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. On va en reparler. Hein. Mais entre dessiner quelque chose de sensuel et quand tu prends le film, filmer quelque chose d'à moitié érotique, c'est pour la même chose. Ouais, un petit peu pour revenir sur l'anime. Bon, signé Katsai. C'est sensuel. Ouais, le générique, d'ailleurs, le premier générique a été censuré parce que c'était vraiment, suggestif, très suggestif. Bah, il y avait du galbe, on voyait du galbe. Qu'on voyait des filles avec des formes, quoi. On voyait des galbes, des formes, ouais. Et ça n'a pas plu à ma Comme c'était super bien dessiné, que c'était très réaliste. Bah, les génériques sont bien dessinés parce qu'ils sont recyclés. Mais voilà, quoi. Donc après, il y a eu ce petit générique. Ce générique plus court, qui était pas beaucoup moins suggestif, je trouve, mais bon, voilà, quoi. Mais donc, Shin Katsai, c'est l'histoire des trois sœurs Shamad, en français. Donc, il y a Tam, Cilia et Alex. Il y a 19 Shamad aussi. Qui sont poursuivis par l'inspecteur Quentin, qui est un petit peu idiot dans son genre. Bah ouais, parce que il y en a une dedans, c'est quand même sa fiancée, quoi. Non, en plus, il s'en rend pas compte, quoi. Voilà, quoi, le mec, il voit rien, et puis t'as son assistante, Odile, qui, elle, a tout deviné, quoi, tu vois. Elle a tout deviné, ouais. Elle a tout deviné dans les épisodes, puis on va dire, 5 épisodes après, elle sait plus rien. C'est-à-dire qu'elle a tout deviné, mais elle s'est dit, oh non, ça doit pas être ça. Et puis après, ça devient une teubée aussi, c'est un peu dommage, quoi. C'est pas une grosse licence, hein. D'ailleurs, il y a même pas de fin, je crois, ce truc-là. Il y a pas de fin à Katsai, parce que après, il a fait City Hunter. Ouais. Donc, il a laissé tomber, littéralement, Katsai. Ouais. Et il s'est concentré sur City Hunter. D'accord. Donc, il n'y a pas conclu l'arc avec l'histoire du père qui a disparu, quoi. Non. Non, ça termine en nœud de boudin. C'était un peu ça, le principe des. De dérober les œuvres et de. C'était ça le fil rouge, hein. C'était pour avoir des informations sur leur père. C'est ça, en fait. Puis même on parle justement de crossover, on parle un petit peu de crossover. Il y a eu justement un crossover avec Nicky Larson. Il y a deux ou trois ans avant. C'était Private Eyes, Nicky Larson, City Hunter Private Eyes, que j'avais vu il y a pas très longtemps, là. C'était assez réussi. Et puis, on avait donc la réunion de ces personnages. Un truc, pas en 3D, hein. Pas un film en 3D, mais plutôt en 2D. Mais assez rythmé avec beaucoup d'action. Tu l'as pas vu, celui-là? Non, je l'ai pas vu, celui-là. Mais il est pas mal, je te recommande de le voir, il est assez réussi. On regardera s'il est encore dispo en VOD. Si tu vas sur les miens qui vont bien, c'est bon. Donc, Katsai, il y a eu qu'une série animée, puis il y a eu deux films, dont un téléfilm en 88. J'ai même pas trouvé de trailer parce qu'à mon avis ça doit être horrible à regarder. Et puis il y a ce film qu'on a pu voir récemment, donc Bah si c'est plus horrible à regarder que celui de 97. 97. Je veux pas le voir. Donc cette version de 97 qui est réalisée par Kaizo Hayashi, donc qui va arrêter le cinéma parce que franchement niveau montage cadrage c'est horrible. Alors est-ce que tu veux en parler un peu de ce film au niveau esthétique, niveau des scènes d'action, des CGI qui sont dégueulasses, quoi. Vas-y, je te laisse parler. On a encore combien de temps là, parce que je vais pas avoir assez de temps pour te lire. Là, c'est un film. Enfin, déjà, il commence sur une scène d'ouverture en animé. C'est peut-être la meilleure scène du film, je dirais. Ce que j'allais dire, là, c'est la meilleure scène du film. Donc là, j'étais accroché. Je dis ouais, je vais regarder. Puis d'un coup, dans un claquement de doigts, il te montre trois prostituées en cuir. Non, pardon. Bah, on est plus dans l'image un petit peu de. Je dirais qu'il y a un mélange de Catwoman, Alberi, et Catwoman, Michelle Pfeiffer. Ouais. Ah ouais, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que là, c'est filmé pour montrer les courbes. Et puis. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un parallèle entre la sensualité. Le dessin animé était très sensuel. Là, le film, on est limite de l'érotisme, là. Quand elles sont filmées... Je trouve que c'est un petit peu grossier, quoi. Bah, c'est grossier, parce qu'elles sont montrées avec les gros plans sur la poitrine, en plus, c'est quoi, les fesses. Ces oreilles complètement débiles, quoi. Ah ouais, puis les costumes, faut en reparler. Puis même les scènes de poursuite... Est-ce que toi, t'es un peu limite de dire que ces costumes, ils sont un petit peu SM, quoi. Ah non, pas un petit peu. Ah non, on pourrait faire une deuxième chaîne, débouler des chaînes. Sinon, c'est carrément osé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sadomaso là-dedans. C'est juste une chaîne un petit peu pour la culture médiévale. Hein. Faut pas non plus nous lancer des sauts de chasse. Hein. Pas de seau d'eau. Hein. Pas de seau d'eau usée, hein, surtout pas. Hein. Non, là, c'est limite une ode au SM, hein. Je vais te dire ça. Hein. Et puis après... En plus, il y a le fou et tout. Alors, je veux dire, elles sont filmées comme si elles étaient en chaleur. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais complètement. Et puis après, elles ont des attitudes vraiment de... Provoquantes. Ouais, de suggestif, quoi. Voilà. Mais outre ces costumes et cette estime qui est vraiment pas terrible, quoi. Faut reparler des CG. Faut parler des scènes d'action qui sont vraiment catastrophiques, quoi. D'action, j'ai même pas vu. Moi. Non, mais il y a cette histoire des gens qui sont dans le musée. Rien que les 10 premières minutes, tu vois les 10 premières minutes, tu vois tout le film, de toute façon. Il y a cette scène où ils se retrouvent piégés au milieu des policiers. Et puis hop, je balance une boule de fumigène et puis je disparais, quoi. Tu disparais. Et puis après, il y a cette poursuite, cette fameuse poursuite en voiture où ils mettent une espèce de voile. Alors, je sais pas s'ils ont été voir Tony Stark ou quoi, je sais pas quoi, mais il y avait cette espèce de drap qu'ils enlèvent. Hop, ça réfléchit, c'est invisible. Ouais, quoi, quand ils disparaissent derrière, tu vois le truc dégueulasse. Ils ont été à la palette graphique faire un effet gomme à la Photoshop. Puis les poursuites en bagnole, mais c'est horrible. On dirait vraiment une cinématique de jeu vidéo des années 80, quoi, tu vois. Mais même pas, on dirait un truc que t'as filmé avec des modèles réduits. Tu sais, ça me fait penser à des voitures télécommandées qui bougent, c'est quoi. C'est vraiment horrible. Puis après, il y a cette scène-là. Que je veux dire, à la Marty McFly, tu vois, ils arrivent dans le... Ils changent de... En fait, ils prennent leur vélo, tu sais, pour essayer de se barrer dans une espèce de couloir, là. Ouais. Et puis, Quentin, je crois que c'est Quentin. Et puis, il prend son skateboard, il commence à se la péter, style Michael D. Fox, c'est dans l'Autre Futur. Puis, elle, tranquillement, les vélos, ils vont sur les murs, ils roulent sur le plafond et ouais, tout. Ils roulent partout. Mais c'est n'importe quoi. Ah, ça devient n'importe quoi. Nom de Zeus, Marty. Puis lui, finalement, il se plante parce que, en plus, je sais plus ce qu'il balance, mais après, il jette, et puis t'as une espèce de ballon, là, qui ouais, monte, et puis il balance une balle de baseball, il a pas d'arme. Et ça sort d'où, ce show, parce que moi, je... Alors après ça continue. C'est pas fini hein, parce que le premier quart d'heure c'est pétage de plomb plus. Mais après t'as toute cette histoire avec Lady Wong. Ouais. Alors qui est en fait une servante de l'empereur. C'est très japonais. C'est pas Palpatine. C'est très japonais. Hein. Le méchant c'est un chinois. Hein. Adieu. Dit qu'on est raciste en France. Vas-y, va voir un peu ce qui se fait au Japon. Ah bah eux, de toute façon, ils s'en tapent. Hein. Ah ouais. Ils mettent un Asiat, c'est bon, quoi. Ah bah ils mettent un Chinois, c'est bon, c'est le méchant. Ouais, t'as compris. Hein. Puis la manière dont elle joue. Enfin, j'ai du mal à dire que les actrices, ils jouent là-dedans. Non, mais les actrices, elles savent pas jouer. Et puis de toute façon, t'as les scènes romantiques avec Quentin. Mais c'est du mièvrerie en plus. C'est mièvre. Quelle horreur. Ah bah t'y crois pas en plus. Hein. Ah non, mais pas du tout. T'as l'impression que c'est une scène dans le Nord-Pas-de-Calais où c'est un réalisateur qui se touche. Hein. Et même les Targaryens, ils font mieux les scènes de sexe. Qu'est-ce que c'est que ces scènes mièvres avec l'histoire de la bague qui met dans une sorte de balle, tu sais, à un moment. Puis après, t'as les deux sœurs, puis ils discutent, ils font le plan, et puis... Ah, j'ai bien aimé ce clin d'œil à Batman 66. Je sais pas si tu te souviens. Elle se colle contre le mur. Le mur, il tourne. Et puis, elle est... En fait, elle a déjà sa combinaison. Tu l'as pas vu, cette scène? Si, tu te souviens de ça? Non, mais c'est un moment où elle fait, transfert au tolard. Batcave 66 pour moi. Ah, hein, ça cette fait histoire. Pince de fort. Ah non, mais ça c'est encore pire parce que, le mot il tourne, ça y est, il y a le fringue. Puis après, bon, c'est une des scènes les plus connes, mais de toute façon, on va passer en revue toutes ces scènes parce qu'elles sont tellement bizarres, quoi. On a qu'une heure. Comme ça, vous n'aurez pas à le voir. De toute façon, il est disponible que sur réseau plus. On ne cherchait même pas à le voir. C'est de la perte de temps, une heure et demie, c'est une heure et demie de perdu, mais bon. Avant que vous avez un podcast à faire, marrant, sinon, c'est de la perte c'est de temps. C'est parce qu'on avait pu refaire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nanar, et on avait envie de refaire un nanar. Et puis c'était l'occasion de l'intégrer dans notre parenthèse manga, justement. Donc je termine avec cette fabuleuse révélation. Ah oui, le père, tu sais, qui cherchait tellement. Ah oui, c'est le grand méchant. Et puis cette scène complètement ridicule sur le toit, et puis l'hélicoptère qui se barre, là. Puis l'hélicoptère, on voit bien qu'il est bidon, hein. Ouais, puis l'hélicoptère, il se barre. Déjà, il y a en CGI dégueulasse, ou en maquette, j'en sais pas, il se barre. Ouais, CGI. Et l'autre, il l'a avec une batte de baseball, quoi. Enfin, avec une balle. Pas une batte. Une balle de baseball. Il l'envoie dans le rotor, parce que l'hélicoptère, il explose. C'est les explosions qui sont rajoutées par-dessus l'image, tu sais. Ouais, PlayStation 2. Bon, moi, j'ai passé en revue toutes les scènes, mais c'est vrai que l'histoire est pas intéressante. L'interprétation, elle est nulle à chier. Le scénario, il est nul. L'interprétation, elle est nulle. Le niveau esthétique, c'est moche. L'esthétique, elle est dégueulasse. Et puis là, les effets spéciaux, c'est catastrophique. Bah, les effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Mais même l'esthétique du film, elle est dégueulasse. C'est toujours tourné dans la fumée ou dans le noir, quoi. Ouais, on dirait qu'il y a une espèce de filtre, tu sais, pour masquer un petit peu la pauvreté des moyens, tu sais. Ah, ça marche pas, vous avez un cache, comment on appelle ça, un cache misère. Un cache misère, ouais. Et donc voilà quoi, voilà ce qu'on vous disait sur Cat Size. Bon, je pense que on s'est quand même bien marré à plus critiquer que le regarder en fait. Ah ouais, bon, c'est un peu fait chier à le regarder, mais à critiquer c'est bien. Ouais. Donc après Cat Size, je vais te laisser passer parler de les mangas que tu as sélectionné, si tu veux bien. Moi, j'en ai sélectionné que deux pour l'instant, on fera peut-être plus de pastilles après. Donc le premier manga, ça s'appelle High Score Girl, disponible sur Netflix. Bah oui, j'ai aussi des abonnements Netflix. Ah ouais, t'as pas que Disney Plus et Amazon. J'ai pas que Disney Plus et Amazon. Et en fait, voilà, abonnement Netflix, donc High Score Girl, et c'est dans les top tendances. Mais j'ai dit, tiens, c'est marrant, je vais regarder. Et en fait, j'ai accroché parce que ça parle de jeux vidéo, en fait. Mm. C'est un gamin de 5 ans qui... J'ai du mal à dire le loser, parce qu'à 5 ans, t'es pas un loser. Qui se découvre une passion pour les jeux vidéo, et puis voilà, quoi. Il vit que pour les jeux vidéo. Il pense jeux vidéo, et puis ça fait parler de Street Fighter. Il s'est censé se passer à l'époque où Street Fighter sort. Et puis voilà, quoi, ça parle de ça, et puis il fait une petite amourette avec... on va dire une tsundere, hein. C'est une tsundere complètement, qui s'appelle Akira, donc l'héros il s'appelle Haruo. Akira c'est répandu comme prénom. Hein. Akira c'est répandu, ouais. Il y a un manga je crois comme ça, non? Il y a un manga, il y a un film culte d'animé, d'ailleurs on en reparlera, je pense qu'on en reparlera de ce Akira parce qu'il est tellement culte qu'il mérite de figurer dans notre émission, bientôt. Et donc là en fait ça parle beaucoup, donc ça, sur la base des jeux vidéo de combat, parce qu'en fait c'est ça, il est invincible entre guillemets aux jeux de combat, et là il se fait mettre une latte par cette... fille, mais qui parle jamais, parce que ça se voit qu'elle a des problèmes, cette fille. Bon, après, tu comprends plus tard. Je voudrais pas trop vous gâcher l'intrigue, parce que c'est assez intéressant à regarder. Faut pas divulgâcher, parce que j'ai vu que c'était une nouvelle expression. Et par rapport à ce que je vais parler après, il n'y a pas trop de fanservice dedans. Ah bon? Enfin, si, mais que pour les... Attention, définis fanservice pour les mangas. Parce il n'y a pas trop de culotte dedans. D'accord, la culotte préférence blanche. Non, fanservice, par contre, il y en a sur les jeux vidéo. Tu vois, il parle de Street Fighter, Mortal Kombat, Street of Rage, et puis d'autres jeux vidéo qui étaient un peu plus confidentiels. Il n'y a pas Double Dragon, non? C'est trop vieux. Si, il doit avoir Double Dragon aussi, mais tu vois, il parle, il vit sa vie comme un jeu vidéo, et il voit de ses 6 ans à ses 16 ans, voilà, c'est l'évolution de la personne en fonction de ses passions. Mmh. Et ses passions, c'est le jeu vidéo, et il se rapproche justement de son love interest, que ce soit Akira ou Koharu, il se rapproche de ses love interest par les jeux vidéo, et c'est ce qui les sépare aussi. Alors, tu peux me donner un petit peu quelques références, quel studio ou quel réalisateur de ça, par exemple, créateur? Bon, en fait, celui qui a fait ça, c'est Rensuke Oshikiri. Le problème, c'est qu'il est pas connu, parce qu'il a fait comme ça. Et sinon, c'est Square Enix. Hein. Square Enix, ouais. Bah ouais. Ça a été publié par Square Enix. L'un des plus gros studios avec Tokyo Movie Shinsha et Tolato, quoi. Par contre, c'est quand même considéré comme un seinen. Ah ouais? J'ai un petit peu de mal à croire que c'est un seinen, parce qu'il y a pas de... C'est pas hyper violent. Bon, il casse des têtes, mais c'est normal. Y a pas de sang, quoi. C'est la dispute de... On est pas dans Ken, quoi. C'est la dispute d'un gamer qui a perdu, tu vois. C'est comme si tu insultes quelqu'un parce que t'as perdu à FIFA, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, t'es... dispute d'adolescent, quoi. Il casse pas des gueules, quoi. Ouais. Les seules scènes violentes, c'est les jeux vidéo, mais c'est pas... voilà, c'est des images de jeux vidéo, quoi. Et il y a combien d'épisodes, là, pour l'instant? Il y a deux saisons. Deux saisons, deux. Alors, je sais pas te dire il y a combien d'épisodes. Il faudrait que je regarde. Il y a 10 volumes et 2 saisons. Je dirais qu'il y a 13 épisodes par saison. 13 épisodes. Donc il y a une vingtaine d'épisodes, 20-26. Ça doit être ça. Donc une vingtaine de minutes en général. 20-25 minutes en général. Ouais. Et puis avec un fil rouge tout du long, par contre, ça se carre pour un manga. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut arriver à les regarder dans l'ordre, sinon tu sais pas trop. Est-ce qu'il y a des épisodes individuels ou est-ce que c'est. Quand t'as 13 épisodes, c'est un fil rouge, comme tu dis, fil rouge pendant les 13 épisodes. Tu suis l'évolution entre les deux personnages et les trois à un moment. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre à quelle situation, pourquoi ils en arrivent là et surtout pourquoi elle est aussi mal dans sa peau, en fait, la nénette qui est super. La fille qui est super forte aux jeux vidéo. D'accord. Tu comprends pourquoi elle est super forte aux jeux vidéo. Ouais, donc ça se passe dans un contexte où les jeunes ils sentent un peu mal dans leur peau et il y a une espèce de réflexion un peu sociale, non? C'est ça le truc, lui il est bien dans sa peau, c'est-à-dire qu'il vit que pour les jeux vidéo, tout le monde le sait à son école, il en a rien à péter, c'est-à-dire qu'il se la pète pas, il est pas blasé, c'est-à-dire qu'il a quand même des amis, etc., mais il vit que pour les jeux vidéo, il parle que de jeux vidéo, et il rencontre justement Akira qui elle fait des jeux vidéo pour s'échapper de son milieu. Donc, tu vois, lui il vit sa passion, voilà, c'est ça, c'est jeux vidéo, c'est sa passion, il vit sa passion, et elle c'est sa passion mais pour s'échapper de quelque chose. Elle joue sa vie dans un jeu vidéo. D'accord. Est-ce que ça fait penser à un certain film de Steven Spielberg, Gustave? Pas Ready Player One. Ah non, là on est loin d'un Ready Player One. Non, il y a pas de notion de virtualité dans le truc. Non. Et puis il veut dire ça reste très ancré dans le réel. Voilà. Puis à des moments là, il est dans sa vie et discute avec Guile dans sa tête, c'est tout ce qui arrive dans l'irréel. Bienvenue dans le désert du réel. Et du coup, c'est un truc qui se regarde bien. Moi, j'ai bien aimé le regarder. Pourtant, je dois pas être le public, hein. Voilà, parce que c'est un mélange. Pour moi, c'était plus un shoujo qu'un seinen, mais non, c'est un seinen. Est-ce que tu peux un petit peu définir shoujo et seinen? Shoujo, c'est plus de manga pour les filles. Ouais. Donc c'est des filles qui tombent amoureux d'un garçon style, comme ça. Cutie-Oné ou non? Bah Cutie-Oné, je connais pas, mais c'est style Sakura Card Captor ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que aussi, c'est un shonen pour filles. C'est une héroïne qui doit passer par une stade de nudité avant de... C'est pas Cutie-Oné, c'est un autre truc. Ça c'est l'hormone. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'hormone, c'est un shoujo, mais un peu plus action. D'accord. Et là, c'est un seinen, donc c'est plus, on va dire, adulte. Mais c'est adulte, là, vraiment, pas dans... Voilà, il n'y aura pas de cul, il n'y aura pas de scène de sexe, des trucs comme ça, non. C'est vraiment psychologique. C'est pas bien, alors. Et attends, ils ont 6 ans au départ, heureusement qu'il n'y a pas de cul. Hein. Ah, heureusement, parce que... Ouais, mais là-bas, ils s'en tapent un peu de monter à des gosses et des trucs. Hein. C'est en train de changer, parce que la loi commence à être un peu plus sévère. Voilà, je vais me contredire juste après quand j'ai parlé du deuxième. Ah bon, bah allez, vas-y, je te laisse. Moi, je vous le conseille. Ice Core Girl, je vous le conseille. Je me suis enchaîné les deux saisons, mais alors direct. Et c'est assez rare, parce qu'en général, j'aime pas qu'est-ce qu'il y a plusieurs saisons. Il y a un large choix de manga comme ça, moderne, sur Netflix. T'as pu explorer le catalogue, par exemple Bah après, moderne, non, parce qu'après, je me suis attardé sur Assassination Classroom. Ouais. Voilà, qui est disponible sur Netflix, mais il est pas très moderne, parce qu'il commence à avoir 4, 5, 6 ans, peut-être, ce manga. Ouais. Et après, bah non, c'est beaucoup sur Amazon Prime, comme It's Hard to Be in Love with an Otaku. Ouais. Ou alors Sugar Life, que je vous conseille pas parce que vous allez vous suicider. Ah. Et sinon, si on prend le deuxième manga, je l'ai regardé sur Crunchyroll. D'accord. Donc tu vois, on a pas mal de plateformes légales qui permettent de regarder des mangas. C'est un peu plus ouvert qu'avant, on va dire. Les mangas, on commence à avoir. Il y avait pas une chaîne réservée aux mangas avant, une espèce de chaîne câblée là. Avant, t'avais pas No Life mais Game One, et t'avais même la chaîne manga. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il passe beaucoup de vieux mangas. Ouais. Sur Game One, c'est là où j'ai découvert des mangas comme Chunibyo ou des trucs comme ça qui sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'ils te montraient les premiers épisodes. Donc Hulan High School, Chunibyo et Rosario Vampire, je les ai connus grâce à ça. C'est-à-dire que j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit, faut que je regarde le reste. Et après, sinon, bah, sur Crunchyroll, c'est tout con, hein. C'est des trucs que je voyais sur Facebook, je trouvais ça assez marrant. Et puis je me dis, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et puis ça s'appelle Kobayashi-san Main No Dragon. Et là, ça va être assez spécial, parce qu'on va rentrer dans l'univers du fanservice. C'est ton deuxième, ta deuxième recommandation. Hein. Recommandation, attention, à la fois de plus adulte pour regarder ça. Montrez pas ça à vos enfants. Du tout. Vous pouvez, mais. À partir de 16 ans? Ouais, 13, 14, 15. Bon, en fait, on n'est pas loin de 16. Hein. 13, 14, 15, on est sur le 16. C'est une interdiction qui est un peu ridicule entre 13 et 16 ans parce qu'il n'y a que 3 ans pour. Ce Kobayashi, je vais l'appeler Kobayashi Made Dragon, ça ira plus vite. C'est l'histoire d'une salarié woman, donc c'est pas un salaryman, c'est une salarié woman. Et en fait, là c'est un manga au premier abord qui est très, mais alors très fanservice. Et quand on y réfléchit un peu plus, c'est vraiment une belle critique de l'évolution de la société en fait. Dans quel aspect alors ? Parce que tu peux... une salarié woman qui est complètement bourrée, qu'elle se trompe de train et du coup elle arrive en campagne, on va dire près du Mont Fuji. Ça c'est le Japon, hein. Si c'est pas près du Mont Fuji, ça passe rien. Et là elle tombe, elle est complètement bourrée, mais bourrée de chez bourrée, elle tombe sur un dragon, mais le truc il est grand comme une maison. Hein. Et puis qui a une épée plantée dans le dos, et puis elle croit que c'est un mirage, donc elle lui enlève l'épée. Et puis elle se rend compte que, en fait, elle se rend pas compte, c'est-à-dire qu'elle est bourrée. Elle rentre chez elle, puis tout d'un coup, il y a un dragon qui apparaît devant chez elle. Et en fait, quand elle était bourrée, elle a demandé à Toru. Kobayashi, elle a demandé à Toru, donc le dragon s'appelle Toru. Thor, hein, ça veut dire Thor. Thor, ouais. Le dieu de la foudre. Et le dieu de la foudre. Ah, ouais. Donc elle a demandé à Toru de venir habiter chez elle. Et le dragon, il l'a pris au premier degré, il vient habiter chez elle, mais à condition qu'elle soit en maid. Alors, je sais pas si tu connais le phénomène des maids, les soubrettes. Ouais, c'est ça, c'est les servantes, quoi. Ouais, c'est les servantes en soubrette. Ouais. Et puis, du coup, elle vient habiter avec Kobayashi en soubrette, et puis ça dégénère, quoi. C'est-à-dire qu'elle habite avec un dragon qui peut se transformer en humain, parce que c'est plus pratique. Ouais. Et c'est une humaine, donc c'est une fille. Donc, fille avec fille, c'est ça que tu as dit. Ouais, fille avec fille, et là, c'est marrant, parce que t'as un décalage, parce que le dragon, il vient d'un autre monde, voilà, et puis elle vient du monde des humains. Attention, c'est pas Ghidorah, hein. Ah, c'est pas Ghidorah non plus. Ouais. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a ce dragon qui arrive dans sa vie et elle finit par l'accepter quand même. C'est-à-dire que le dragon, elle l'accepte en tant qu'être, pas en tant que dragon, en tant qu'humain, non, en tant qu'être, de tout son être. Et puis, c'est un beau message de... Enfin, un beau message, c'est pas non plus le pouvoir des fleurs, mais c'est un message de tolérance entre... on se rattache plus ce qui nous rappelle ensemble, plus que ce qui nous sépare. Par contre, c'est bourré de fanservice. Hein. C'est ça que tu dis, qu'en fait, c'est plus vers 13 ans et au-delà, quoi. Bah, à partir du moment où ils prennent des bains ensemble, oui. il faut avoir une notion un peu plus adulte pour regarder ça. Est-ce que t'as des infos sur ce manga, par exemple, combien qu'il y a d'épisodes, créateurs, tout ça? Alors, le nombre d'épisodes, il n'y a qu'une saison, malheureusement. Kobayashi Made Dragon, ouais. Il doit avoir 25 épisodes. Non, il y a 14 épisodes, attends pour moi. Il y a 14 épisodes parce que le dernier, c'est un épisode spécial pour la Saint-Valentin. Un drapeau Japon, hein, Saint-Valentin White Day. Je sais juste qu'il est disponible sur Crunchyroll. Ouais. Donc, c'est un site légal, hein, Crunchyroll, vous pouvez y aller. Si vous aimez vous farcir de la pub, prenez sans abonnement, vous pouvez le regarder. C'est en vue STF? Moi, je l'ai regardé en VOSTF. D'accord. Mais il y a une version française ou quoi? Non, il n'y a pas de version française. Il y a une version VOSTF. Et en fait, voilà, c'est un truc que je vous conseille si vous êtes un peu plus adulte et si vous pouvez avoir un recul sur l'œuvre. Parce que c'est très fan service, mais c'est assez marrant en fait. Surtout avec le petit dragon Kana qui est censé être un enfant. Et puis voilà, t'apprends en fait Kobayashi, elle apprend. Tu vois, à aimer quelqu'un d'autre malgré ses différences et aussi à être mère malgré elle parce que ben elle adopte ce petit dragon qui ressemble à un enfant et elle l'emmène à l'école, tous les trucs comme ça. D'accord. Bon, on va terminer là pour la première partie si tu veux bien. Et puis bon, on va se revoir après pour une deuxième. On est de retour et on va vous parler d'une série encore Netflix. Hein, on va faire de la pub un peu parce qu'on est sponsorisé. Non, on rigole. Et en fait, on va parler de Cobra Kai, la série live sur Netflix qui est un dérivé, un spin-off entre guillemets de la série, pas de la série, des films Karate Kid. La saga des films Karate Kid, donc le premier est arrivé en 1984, réalisé par John G. Avildsen, donc le réalisateur du premier Rocky. Et du cinquième aussi. Donc voilà, et puis cette histoire, c'est un peu la naissance de la relation entre le jeune Daniel LaRusso et Monsieur Miyagi, donc qui lui enseigne les arts martiaux. Ouais, puis très aussi la relation entre les... On appelle ça des bullies, tu sais. Ouais. Du bahut et puis... Les gros lourds, quoi. Ouais, ouais les mecs qui tapent avant de parler, les CRS du coin, quoi. Et puis ouais. Oh putain, on va se faire démoniser et casser la gueule. Et puis le mec lambda qui arrive, le nouveau, qui essaye de se faire sa place, quoi. Ouais, c'est ça. Donc dans ce premier film, on voit donc l'arrivée de Johnny, je sais plus son nom de famille, mais bon. C'est Johnny Lawrence. Nous deux, ça remonte à loin. C'est celui à qui t'as botté le cul. Si on veut être précis... Je vais botter la tronche. Johnny Lawrence. Ouais, en fait, c'est un peu une espèce de jalousie, hein, parce que Daniel draguait sa copine, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Il y a que Johnny qui sort avec eux. Ah, que Johnny. Ouais. Johnny et Laetitia, puis un problème avec, il y a un problème avec l'héritage. Non, merde, je suis en train de tomber. C'est pas le même sujet. La Tatia. Avec la Tatia. Donc, ah, voilà, Johnny, voilà, il est avec sa copine, je me rappelle plus du nom par contre. Bah, je sais plus l'actrice, je sais qui. Ouais, enfin, il est avec sa copine, il fait un peu le con, ça marche pas entre eux. Alors, du coup, elle va un peu plus voir Daniel, qui est un peu plus, un peu moins agressif, on va dire, un peu moins con. Qui vient d'arriver, quoi. Qui vient d'arriver, puis il y a une jalousie qui s'installe, et puis, comme il est plus costaud, il hésite pas à lui casser la gueule, quoi. Ouais, en plus, il fait partie d'une école qui s'appelle déjà Cobra Kai, c'est ça. Qui est dirigée par un certain Chris, c'est ça? Ouais, Chris. Ouais. Apollo Chris. Non, je rigole. Ah, pour le Chris, c'est après. Donc voilà, quoi, il y a un tournoi qui se... Il défie carrément... Non, au début, il veut s'inscrire justement dans l'école Cobra Kai, mais... Il voit qu'il est là, quoi. Quand on guise d'entrée, tu te fais péter la gueule, tu restes pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un peu hostile. Et il tombe un peu par hasard sur Monsieur Miyagi, donc il vient s'installer à côté de chez lui. Hein. C'est un voisin, je pense. Pour moi, c'était un voisin, ouais. Puis Monsieur Miyagi, qui le prend pas en pitié, mais qu'il le prend sous son aile. Et puis, Il y a un lien de filiation qui se crée. De figure un peu paternelle, quoi, quelque part. Il y a un lien de filiation qui se crée. C'était certainement la relation la plus intéressante du film, parce que c'est vrai que, pour moi, ce film, il est quand même inscrit dans le courant des années 80, c'est-à-dire qu'on aligne quand même pas mal de clichetons dans ce film-là, mais bon. Il y a moins de clichetons que dans Hidden. Moi, Non, je suis désolé, c'est le même niveau que Hidden, je suis désolé. Ouais, on arrive dans les clichetons, les balades en moto, alors que t'as 16 ans, les lycées avec les bullies, t'es nouveau, c'est tout juste si t'as pas t'es le meilleur, enfin des trucs comme ça. C'est tout juste si t'as pas le skateboard de Retour vers le futur, quoi. Des fois. Et une DeLorean. Non, ça va. Mais après t'as deux autres suites, bon elles sont pas extraordinaires. Il y a Daniel qui va au Japon là, qui règle un petit peu une affaire familiale concernant Miyagi, il me semble. Ouais, voilà, il va au Japon pour acheter des culottes usagées. Bon, l'épisode, il se démarque un peu parce que, bon, ça change un peu de cadre, je veux dire. Le seul truc qui se démarque, c'est qu'il pète des pains de glace à la main. Il y a que ce passage-là que j'ai retenu, tu vois. Ouais, puis en plus, t'as une espèce de combat à la fin, tu sais, avec un jeune karatéka. Un karatéka de là-bas, quoi. Enfin, ouais, donc c'est un petit peu le Johnny du Johnny du coin, quoi. Ouais, qui vient péter la gueule au Genji, le Genji lui met la misère, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, t'as le numéro 3, alors là, c'est vraiment du retour. J'ai pas le copie du premier, quoi. Alors, c'est le numéro 3, je l'ai pas vu, malheureusement. À part que là, bon, il va voir, il s'en va de Miyagi parce que apparemment il est une fois défié par Cobra Kai. En fait, surtout, il voulait, si j'ai bien compris, parce qu'ils en parlent un peu dans Cobra Kai, et il voulait se mettre à la compétition. Et Miyagi, il trouvait que la compétition, il était pas en mesure, quoi, que c'était pas un bon leitmotiv pour faire du karaté. D'accord. Et donc il va voir un prof qui est indépendant apparemment, qui accepte de l'entraîner, mais il se rend bien vite compte qu'il y a une histoire de bizarre et que ce prof, il est affilié à Cobra Kai. Voilà, puis il y a de la récupération. Voilà. Donc Miyagi, lui, à un moment, c'est vrai que ça justifie complètement le fait qu'il est pas en mesure de vaincre des adversaires supérieurs, parce que il y a Miyagi qui revient dans le dojo justement où il y a crise et ce mec-là qui est cet entraîneur. Bon, ils vont foutre la pâtée à Daniel. Il y a Miyagi qui intervient et qui leur met la volée, quoi. Il leur met la volée en bougeant quasiment pas, quoi. C'est hop, ça. Hop, hop. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis après, on a Miss Karate Kid. Alors là, c'est Pat Morita, celui qui joue Miyagi, qui entraîne une jeune fille. C'était avec l'actrice Hilary Swank, maintenant qui est assez connue. Puis t'as le remake, là. Tu l'as vu, toi, le remake avec. Alors j'ai vu le remake avec Jackie Chan. Ouais. Et Monsieur Smith Jr. Je dirais Jaden Smith, ouais. C'est ça? Jaden, ouais. Et en fait, moi je l'ai bien aimé, par contre, Karate Kid là. Ouais. Il était pas plein de clichetons, celui-là. Par contre, c'est normalement, vu que ça se passe en Chine, je suis désolé, c'est pas Karate Kid, non. C'est Kung Fu Kid. Ah ouais. Il y a pas de karaté en Chine. D'accord. Voilà, c'est du Kung Fu. Et puis, j'aime bien aimer parce que, ouais, c'est plein de clichetons, hein. Voilà. Mm. Avec le faible. Et par contre, tu vois, là, dans Karate Kid, c'est l'élève qui apprend du maître, et là les deux ils apprennent dans le dernier Karate Kid, c'est-à-dire que l'élève et le maître apprennent tous les deux à se reconstruire. D'accord. Jackie Chan était déjà... Jackie Chan était détruit parce que son fils est mort dans un accident de voiture où il a tué son fils parce qu'il était bourré au volant, un truc dans le genre. C'est ça qui retape la voiture et qui la redétruit tout le temps. Et en fait, donc son élève, Will Smith Jr., qui l'aide à se relever, quoi, lui en donnant un but dans la vie. Ouais, il y a ce côté intéressant, mais il y a ce côté un peu trop remake, quoi, aussi, qui doit prévaloir. Bon, on est loin du Jackie Chan qui bastonne tout le monde et qui saute sur les murs, quoi. Bah là, Jackie Chan, les seules fois où il se bastonne, c'est contre des gamins de 10 ans, donc... Ouais. Pas 10 ans, c'est, ouais. C'est des Chinois, donc ils ont peut-être 13-14, mais c'est un peu compliqué, je veux pas faire de blague raciste ici. Mais je veux dire, ouais, il est tatane alors que c'est des gamins, quoi. Ouais, ouais, ouais. Aucun intérêt. C'est un petit peu, ouais, bizarre, quoi. Puis là, on a cette série qui a commencé il y a en 2017, peut-être, je sais plus. Alors, Cobra Kai, ça a commencé en 2018, moi je dirais. 2018 bah, je vérifie. Hop, on est déjà 18 juin 2018. Ouais, déjà, c'est à la deuxième saison. On est déjà à la deuxième saison. Et donc, moi je l'ai pas vu, mais toi tu vas donner ton avis sur les deux premières saisons, quoi. Bah, justement, dans Karate Kid premier, c'était Johnny, donc le méchant. Et là, dans Cobra Kai, on démarre sur Johnny. Et on montre, en fait, qu'il est paumé, qu'il s'est jamais remis de cette défaite psychologiquement. Ça va pas. Avec sa famille, ça va pas non plus. Il est divorcé, son fils veut pas le voir, puis son fils est un délinquant. Ah, et puis, je veux dire, c'est sa vie de paumé, et puis il est tellement paumé dans sa vie que, ouais, mais à un moment, il y a des jeunes qui agressent Miguel, donc le héros de la série, on va dire Miguel. Ouais. Et puis, il défend, quoi, donc il leur pète la gueule. Et dans les trois bullies, justement, que les rôles sont inversés, il y en a un, c'est quand même le petit ami de la fille Larousseau. Et du coup, le père Larousseau, il vient dessus, il dit, voilà, tu étais bon qu'à casser la gueule aux gens, des trucs comme ça. Et nous, qu'on sait qu'il a juste fait que défendre quelqu'un, on se dit, il pourrait essayer de le comprendre. Et lui, qui sait que Cobra Kai, c'est des gros connards, entre guillemets, il se dit, franchement, c'est qu'un connard, et il tape encore sur des jeunes, quoi, alors qu'ils sont plus faibles que lui, alors que lui, il a fait que défendre quelqu'un. Tu vois, t'es jamais parti pris pour l'un ou l'autre parti. Ouais, Daniel, il devient un petit peu antipathique de ça, parce Il y a des moments, Johnny, il est antipathique à mort. Ouais. Mais vraiment, hein, t'as envie de dire, mais quel connard. Les claques, quoi. Ouais, et puis il y a des moments, t'es très attaché, tu dis, oh, mais c'est un mec bien, et pareil sur Daniel. Ouais, il y a un moment, tu te dis, mais quel connard, pourquoi il réagit comme ça, et puis à un moment, tu te dis, c'est bien de penser comme ça aussi. Parce que Daniel, dans le film, il était vraiment, c'était vraiment la caricature du beau jeune homme, super gentil, tu sais, il n'y a pas un gramme qui dépasse, quoi. Et ben là, tu vois, c'est encore plus le jeune homme parce qu'il a vieilli, mais encore bien gentil, bien propre sur lui, il dirige des concessions, il répare la voiture de Johnny parce que il s'est fait péter sa bagnole en ayant un accident avec, sa fille à Daniel qui était à l'arrière et qui s'est barré, délit de fuite. Donc du coup, comme il se sent coupable, il répare sa voiture, un truc comme ça. Et là, tu te dis, il fait ça parce qu'il est coupable, et tu sens qu'il y a un peu plus d'ambiguïté dans le personnage parce qu'il montre quelqu'un de bien propre sur lui, mais en gros, il fait des coups de pute à Johnny, il fait doubler son loyer ou tripler son loyer de Cobra Kai. Ah ouais, à ce point-là aussi. Ouais, des coups bas, quoi. Ouais. Ah, il fait vraiment des coups bas. Ouais. Et Johnny, il fait des coups bas d'à façon de voir, et puis Daniel Larousseau, il fait aussi des coups bas, et tu te dis, mais. Donc, du coup, tu prends parti pour aucun. T'as le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, et puis du coup, t'arrives pas à tenir pour l'un ou pour l'autre. Ils veulent sortir de cette caricature qu'il y avait dans les films, en fait. Bah, il y a un méchant, il y a un gentil, normalement, tu vois. Et là, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Il y a une façon de voir, une autre façon de voir, on confronte les deux. Et dès que tu commences à tenir pour quelqu'un, il te montre que ce quelqu'un, c'est peut-être pas quelqu'un d'aussi bien que ça. C'est pas lui, quoi, c'est pas lui. Mais que c'est juste quelqu'un. C'est juste quelqu'un qui essaye de se démerder, qui essaye de s'en sortir. Ouais, ouais. C'est peut-être ça que, parce qu'il y a beaucoup il y a ton avis, mais il y a beaucoup d'avis positifs aussi pour cette série, hein. J'ai vu que sur Internet, ils étaient quand même assez favorables à la série, quoi. Bah, justement, pour les vieux de la vieille comme nous, c'est favorable parce que tu peux, entre guillemets, te dire, voilà, c'est une étude de personnage. C'est-à-dire que t'as le personnage de Johnny qui doit se reconstruire, donc t'as envie qu'il s'en sorte. Ouais. Après, t'as le personnage de LaRusso, tu comprends qu'il a tout dans sa vie, mais il a encore besoin d'évoluer. Et puis, voilà. Puis après, t'as le personnage de Miguel, donc lui, il se fait tataner la gueule, puis t'as envie qu'il s'en sorte, donc il apprend le karaté au Cobra Kai. Ouais. Parce que Johnny... Il est toujours enseignant. Ouais, non, c'est-à-dire que lui, il reprend le Cobra Kai pour donner les moyens à Miguel de s'en sortir. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il rouvre le dojo pour aider un jeune. D'accord. Là, tu te dis, ouais, c'est bien ce qu'il fait. Mais quand tu vois les cours qu'il donne, frappant en premier, frappe fort et pas de pitié. Ouais, c'était un peu le principe de la de crise, quoi. On va dire, c'est le Nindo de crise. Ouais. Et puis, voilà, il est toujours comme ça, et puis il va dans un optique comme ça, et puis voilà, il arrive à en faire un très bon combattant. Et puis, à un moment, voilà, Miguel, il commence un peu à avoir de la gueule, entre guillemets, puis il commence à faire un peu chier le monde, et maintenant Johnny se dit merde, c'est pas bien ce que je fais, et tu vois, il le recadre. Il dit à Miguel, ouais, je sais ce que je t'ai appris, mais faudrait que t'apprennes un peu quand même la compassion, parce que moi je l'ai pas connu, donc je l'ai jamais appliqué, je m'en mords les doigts. Il dit, ça serait peut-être bien, et il fait réfléchir son élève, tu vois. D'accord. Alors qu'avec d'autres élèves comme l'aigle par exemple, hein, c'est un mec qui s'appelle l'aigle, voilà, lui par contre ça devient un bully. Alors voilà, c'est le mec qui se fait taper la gueule au premier trimestre, et au deuxième trimestre c'est lui qui pète la gueule aux autres. Ouais, ouais. Donc et accessoirement, donc il est fâché avec son fils, je sais plus comment il s'appelle. Le fils de Johnny, hein. Le fils de Johnny, donc Robbie Keane. Ouais. Et Robbie Keane, lui, tout ce qui est, c'est un petit magouilleur, quoi. C'est le John Connor de Terminator 2. Ah bon, c'est-à-dire qu'il magouille. Ouais. Tu le vois que c'est un délinquant, il vole des ordinateurs portables, le délinquant, tu dis, lui. Et lui, il se rend compte que Johnny et Daniel s'entendent pas. Donc il se dit, moi, je vais aller faire chier mon père, je vais aller travailler chez Daniel LaRusso. Ah ouais. Puis je vais voler un maximum de trucs. D'accord. Et puis, donc il travaille chez Daniel, et Daniel, il voit le potentiel dans ce petit, dans ce petit Robbie, quoi. Et il le prend sous son aile. C'est-à-dire qu'il le prend sous son aile. Il y a même un moment où Robbie fait des conneries, et Daniel il se dit, il s'attend à se faire engueuler par Daniel, et Daniel il dit, ah bah t'as fait des erreurs, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas grave, tu vas apprendre de tes erreurs. Et là tu te dis, mais merde, tu vois, là t'as Daniel qui devient sensei. Là t'as la philosophie de Miyagi, quoi. Là t'as la philosophie de Miyagi, et du coup au lieu d'être délinquant, il laisse une chance en fait à Daniel de l'éduquer au Miyagi-Do, et ça devient un lien après de filiation comme avec monsieur Miyagi. C'est-à-dire qu'après il devient l'élève de Daniel, et avec la philosophie de on n'attaque pas, on se défend. Ouais, parce qu'avec sa fille, apparemment, tu m'as dit tout à l'heure que ça marchait pas fort, quoi. Ouais, bah là. Il n'y avait pas cette relation filiale, quoi. Daniel, avec sa fille, lui a pris le karaté jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Donc elle est à un très bon niveau, puis après, elle a laissé tomber parce qu'elle préfère traîner avec ses copines. Ouais. Et puis, même elle se remet en cause parce qu'elle traîne avec des copines qui harcèlent des autres. Et d'ailleurs, on a une élève en particulier qui va rire chez Cobra Kai. D'accord. Et du coup, sa meilleure amie, maintenant, elle va devenir son ennemie parce qu'il y a un Cobra Kai et un Miyagi-Do. Est-ce que ça va partir vers des tournois, des histoires de tournois? Il y a le tournoi la première saison. Ouais. Donc, je dis pas la fin parce que c'est quand même bien à regarder. Ce qui est juste marrant, c'est de voir le Cobra Kai qui maîtrise le coup du Miyagi-Do, tu sais, le coup de la grue, là. Coup de pied dans la gueule. Et à un moment, le jeu d'acteur y est bien parce que t'as, on va dire, Miguel qui est prêt à péter le bras de l'autre, hein, frappe en premier, frappe fort, pas de pitié. Et t'as du coup Johnny qui fait une drôle de tête et qui se dit, qui fait non de la tête. Fais pas ça, et puis il le fait pas, quoi, puis voilà. Et là, tu te dis, tiens, c'est marrant, Cobra Kai, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de, voilà, jusqu'à la saison 2 avec l'arrivée de Chris. L'arrivée de Chris qui va un peu remettre tout en jeu, quoi. Bah, en fait, remettre tout en jeu, oui et non. C'est-à-dire que, saison 2, là, tu vois Chris arriver, bah, tu vois que c'est un mec paumé, parce qu'il se fait passer pour mort. Normalement, il est censé être mort. Bon, en fait, il est pas mort, hein. Ta gueule, c'est magique. Bah, il était pas mort dans le 3. Hein. Et puis, Chris, il reste neutre. C'est-à-dire qu'il laisse Johnny faire. Ah ouais. Johnny qui a une méthode un peu expéditive des fois. Mais il le laisse faire, et puis tu te rends compte que tout ce que Johnny fait, ça a un sens. En fait, c'est quelque chose qu'il a appris, ça a un sens, ça a un but. Et Chris, il se met un peu en retrait, il donne quand même des conseils, et il essaye un peu de pervertir le truc, tu vois, notamment avec l'aigle, hein, ce fameux élève. Ouais. Puis quand il voit qu'il arrive pas, il insiste pas, tu vois, il se calme tout de suite. Et en fait, c'est ce que je vais te dire, hein. C'est comme Johnny, il évolue bien, Daniel, il évolue bien. Comme les deux, ils évoluent, et puis qu'il n'y a plus grand chose à raconter sur le bien et le mal, parce qu'il n'y a plus vraiment de notion de bien et mal dans le truc. Bah, ils te remettent Chris pour te redonner un second souffle et pour me montrer un méchant. C'est du fan service, en fait. Bah, non, c'est même pas du fan service, c'est un prétexte pour avoir un méchant. Voilà. Ouais. Moi, je suis méchant, gros. C'est un petit peu un rappel nostalgique, quelque part. Bah ouais, mais je trouve ça un peu facile. Parce qu'il n'est pas très utile aussi, vraiment. on voulait avoir quelque chose de plus important. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Bah écoute, quand les scénarios sont un peu épuisés, qu'est-ce qu'on fait? On va puiser dans la vieille soupe, quoi, je veux dire. Bah en fait non, là c'est ils remettent un méchant. Là ouais, il y avait ça. Là tu. Ouais, mais ils auraient pu en inventer un. Mais non, mais là tu comprends que la série, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Ouais. C'est juste deux façons de voir. Il y en a qui sont un peu plus connards que des autres. Et du coup, ils te mettent un super vilain. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Je dis, voilà, il y a un super vilain. Ben, moi, ce que je repense, c'est que, sans l'avoir vu, c'est, vas-y, on va te refoutre crise. Parce que, il était dans les trois premiers, donc tu vois. Ben là, ils te refoutent crise pour dire, l'esprit de Cobra Kai est en train de mourir, entre guillemets, parce que l'autre, il devient plus souple, Johnny devient plus souple. Ouais. Et du coup, comme c'est ça, ben, ils te remettent crise pour te dire, l'esprit du Cobra Kai, c'est pas de pitié, tu tapes la gueule à tout le monde et puis t'assumes, quoi. Ben, t'as fait le tour, t'as tout dit. Enfin, t'as tout dit, non. Ben, t'as en pas fait, j'ai pas tout dit, c'est juste que, voilà, j'ai un petit peu, mais ça va, vous pouvez le regarder quand même, c'est un truc. Il se regarde bien. Par contre, comme je disais, ça plaît donc à des générations comme nous parce qu'on peut analyser les personnages. Et ça va plaire aussi aux jeunes parce que c'est du love interest des jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus moderne, quoi. Ouais, c'est des affaires de corps pour, de corps. Des affaires de cœur pour adolescents. De niveau, quoi, de raisonnable, qu'on va dire. C'est pas mièvre ou. Oh, il y a des moments, c'est un peu mièvre. Ouais. Tu vois les trucs arriver. Puis c'est toujours les à-propos que, ouais, au moment où les gens ils vont se remettre ensemble, t'as le quiproquo magique qui arrive et qui fout tout le bordel. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est toujours ça. Ouais, c'est des scénarios un peu classiques, quoi, on va dire. Ouais, c'est un peu convenu. Hein.